toujours fonté frère. Derrière le mic c'est NOSS, un lécheur de kit qui traque la maille et foire que les CRS. Quand je rappe ça pue le ghetto parce que je débarque des blocs. Et moi je défonce les dettes qui traînent le cul à l'air dans le hip hop. Ramasse les douilles, y'a pas d'empreinte, constate les impacts. N'empêche m'en bats les couilles, les pailles comme Camaro, moi je les abats. Une vie d'hôte, financée par la drogue, une vie d'hôte. Une fois qu'on arrive pour défoncer les portes, ça devient sérieux, on a plus le temps de forcer les serrures. Notre flow plus la hurle, c'est trop haineux, ne sait pas de nous censure. Comme d'hab, l'âge d'instru expose le BPM. Moi j'en peux plus, mon quotidien est nocif et mes pensées malsaines. Tricard, ma voix pousse peu dans ton checkard. De Paris aux Ulysses, on arrive en balle, donc préviens tes gars. T'es ma gueule frère, je suis marqué par chômage. On en manque de règles, donc forcément on pense qu'au braquage. Los, association dingo, Los Monzas, pour ODT. Les Ulysses à Paris, hein. Le son vient du 9, hein. Les Acariens 132. Yeah.